J'ai passé la moitié de ma nuit à tuer des zombies sur Call of. Mes gars volent puis tombent comme des feuilles en automne. Ils donnent raison à nos profs, conditionnés à rien faire de nos tristes vies. J'attends un signe depuis, mon pote rejoint une meuf près d'une boîte gay de Strasbourg-Saint-Denis. Un verre de rhum, puis un ginto. Elle avait le corps de Gillo, alcoolisée, endormie, bercée par le bruit du ventilo. Ils parlaient de rêve, elle parlait d'investir dans la crypto. Voulait un mec fort et puissant comme dans le conte de Monte Cristo. Mais merde, on a nos failles, on comble vite jusqu'à devenir cobaye. Le making of de l'ennui, loin d'une barrière de corail. Frère, vu sur des bâtiments, non pas sur un littoral. Jeunesse enfuie dans une chambre d'hôpital ou dans un psychodrame. Éveillé toute la nuit, j'ai pas dormi. Toute la nuit. Toute la nuit je me suis demandé comment j'allais faire cette thune. Seulement pour sauver les miens, pas mettre un drapeau sur la lune. C'est vrai que j'ai trop de rancune. J'ai pour l'instant présent pas de chanson à titre posthume. Non, non, non, non, non. Comment je vais faire cette thune? Seulement pour sauver les miens, pas mettre un drapeau sur la lune. C'est vrai que j'ai trop de rancune. J'ai pour l'instant présent pas de chanson à titre posthume. Non, non, non, non, non. Du matin sur une plage vide, loin de ma ville, là je suis vraiment moi. Je me sens vivant sans faire semblant de faire attention à je ne sais quoi. Je pense déjà à raconter tout ça à Elena. Je me dis aussi quand je rentrerai, je prendrai ma mère fort dans mes bras. Amour aveugle, loin d'être tactile, pas de câlin en famille. D'ailleurs je suis jamais là, mon absence je maquille. Maudite vie d'artiste, on vit tous comme des artistes. Tous sur le fil du rasoir à jouer les équilibristes. On te regarde différemment pour une veste étrange. Rapidement la tension monte, tu te retrouves près des anges. On regarde les étoiles et paraît que les étoiles parlent que de nous. Habités par nos envies, on finit dans la gueule du loup. Éveillé toute la nuit, j'ai pas dormi. Toute la nuit. Toute la nuit je me suis demandé comment j'allais faire cette thune. Seulement pour sauver les miens, pas mettre un drapeau sur la lune. C'est vrai que j'ai trop de rancune. J'ai pour l'instant présent pas de chanson à titre posthume. Non, non, non, non, non. Comment je vais faire cette thune? Seulement pour sauver les miens, pas mettre un drapeau sur la lune. C'est vrai que j'ai trop de rancune. J'ai pour l'instant présent pas de chanson à titre posthume. Non, non, non, non, non. Comment je vais faire cette thune? Seulement pour sauver les miens, pas mettre un drapeau sur la lune. C'est vrai que j'ai trop de rancune. J'ai pour l'instant présent pas de chanson à titre posthume. Non, non, non, non, non.